Le porte-parole du comité pour l'organisation pacifique de la patrie a répondu le 12 courant aux questions du correspondant de l'agence télégraphe centrale de Corée du fait que la bande de Bakune trompe l'opinion publique en lançant des propos absurdes d'un certain changement subi du Nord. Il dit notamment « Peu de temps auparavant, avant son départ pour une tournée à l'étranger, Bakune a péroré que la situation de l'intérieur du Nord est assez inquiétante, que l'état de changement subi peut survenir à n'importe quel moment » et qu'il faut renforcer l'état de sécurité face à la situation grave. Ces subalternes du ministère de l'Éducation et du ministère des Affaires étrangères aussi font bruit autour de la mesure à prendre face à l'état de changement subi, tout en parlant de l'instabilité à l'intérieur du Nord, due à l'effet de sanctions contre le Nord, de la crise de système et de l'approfondissement de fissures à l'intérieur. Pire, ils lancent des paroles déraisonnables, comme l'écroulement du système par le soulèvement populaire et le coup d'État, afin de converger l'attention publique à la campagne de sanctions et de pression contre le Nord. C'est vraiment une conduite répugnante d'un illettré politique dépourvu de connaissances élémentaires et de jugement. Quant aux déserteurs du Nord que les autorités sud-coréennes servent de preuve du changement subi, ce sont les criminels qui, après avoir commis de grands crimes, ont trahi la patrie et leurs parents et frères et sœurs avant de s'enfuir en Corée du Sud. Il est tout à fait naturel que de tels déchets humains s'installent en Corée du Sud, monde pourri. En Corée du Sud, à cause de la servilité envers les grandes puissances, la confrontation fratricide, la dictature fasciste et la politique vicieuse antipopulaire de la bande de Bakune, la rancune et l'indignation de la population est au seuil de l'explosion. Misérable est la bande des traîtres de Bakune qui rêve de l'écroulement du Nord jamais réalisable, ne sachant même pas leur situation pitoyable. Bakune et sa bande ne pourra jamais voir correctement ni comprendre jusqu'à leur mort la réalité étonnante de notre république où le leader, le parti et les masses sont unis en un seul bloc et la dignité et le prestige de puissance nucléaire de l'Orient, de puissance socialiste. Qu'elles sachent correctement leur sort misérable et s'abstiennent de lancer des propos téméraires.